Canganino. Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Quatre hommes, dont trois employés de la société Sotrevo, sont incarcérés en commune Boussonnée de la province Kirundo. Ils sont accusés de vol de minerais dans la forêt de Murehe. En commune Outaganzwa de la province Kayanza, seules 16 tonnes et demie de graines de maïs ont été vendues sur un stock de 312 tonnes de graines de maïs en stock de l'ANAGESA. Analyse ce lundi à l'Assemblée nationale du projet de loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Vous l'entendrez. Tenu à Bujumbura dès ce lundi de la troisième conférence internationale de la mutualité, le taux d'adhésion aux mutuelles communautaires reste insuffisant, note la CONAMUS, qui est une confédération nationale des mutuelles communautaires. Vous l'entendrez dans cette édition, mise en onde par Eric Wiman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bienvenue encore une fois. Le Burundi plaide pour la paix et la sécurité dans la sous-région. Une réponse du ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, sur la position du Burundi dans les conflits armés en République démocratique du Congo. Il a dit ce lundi lors de la présentation des réalisations semestrielles de son ministère. Quant aux relations avec le Rwanda, il a répondu que le Burundi met en avant une bonne coopération, mais précise que si le Rwanda décide de remettre au Burundi les accusés dans le coup d'État manqué de 2015, la coopération va se poursuivre. Suivez. Rwanda no Burundi ni bihugu bibanyi nama nabivuze kenshi yo mbaje kibazo kimigendanira gato y'Burundi no Rwanda ndabigereranya n'ihindagurika gibihe. Le Rwanda et le Burundi sont des pays voisins. Je le dis souvent à chaque fois que vous me posez cette question sur la coopération entre le Burundi et le Rwanda. Pour nous, les Burundais, la question est simple. C'est trop facile. Je compare nos relations comme le changement climatique. Des fois, le climat change, il y a du soleil, et d'autres fois, il y a la pluie. Vous comprenez bien que si, aujourd'hui, il y a un problème, cela ne signifie pas que dans les années à venir, la situation restera telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir est que de notre côté, nous demandons aux Rwandais de remettre un groupe de personnes qui ont voulu faire le coup d'État en 2015. Nous privilégions la bonne cohabitation. Si le Rwanda ne remet pas ces personnes, donc il y a toujours problème. Vous l'avez suivi quand le chef de l'État s'est beaucoup exprimé lors des échanges de vœux avec les diplomates vendredi passé. Il a parlé assez de cette question, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse. Vous le savez, le Burundi met en avant et priorise la paix et bonne cohabitation avec les autres pays. Et nous mettons en avant le respect des frontières. Si un pays envoie les militaires armés dans un autre pays, c'est la violation des lois. Donc, ce pays a envahi un autre pays. Nous sommes contre l'envahissement d'un pays dans l'autre pays. Si tu dépasses les frontières avec les armes, la population sera touchée. C'est pourquoi nous demandons aux Nations Unies et surtout au Conseil de sécurité qui s'est réuni deux fois pour essayer de trouver solution au conflit qui est entre le Rwanda et la RDC, demanda au Rwanda de retirer ses militaires sur le territoire congolais. La République démocratique du Congo est un pays qui a ses peuples congolais. Il n'est pas pour les Burundais, les Rwandais ou des Européens. C'est un pays des Congolais qui doivent s'organiser eux-mêmes. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Le même ministre s'est en outre exprimé sur le refoulement des Burundais irréguliers vivant sur le sol des États-Unis. Suivez encore une fois. Ce ne sont pas uniquement les Burundais, c'est une politique de la nouvelle administration Trump qui concerne tous les pays du monde qui ont des citoyens irréguliers sur le territoire américain. Je pense que c'est important de respecter la souveraineté d'autres pays, même chez nous. N'importe quel pays au monde n'accepte pas que des irréguliers résident dans nos pays. Si un pays décide souverainement d'expulser des étrangers plutôt qui ne sont pas réguliers, c'est tout à fait normal, c'est sa souveraineté. En ce qui concerne le Burundi, nous allons accepter que ces Burundais reviennent J'ai rencontré ce matin l'ambassadeur des États-Unis au Burundi qui m'en a parlé, mais il m'a parlé de cette nouvelle politique de l'administration Trump, une politique migratoire qui consiste à expulser des étrangers résidant aux États-Unis de façon irrégulière. Je lui ai dit que le gouvernement burundais va tout naturellement coopérer, mais qu'il faut respecter les droits humains de ces Burundais qui rentrent. Les habitants de la commune Buganda en province Cibitoke saluent l'état d'avancement du projet de construction du pont reliant le Burundi à la République démocratique du Congo et disent qu'après sa construction, il sera bénéfique, notamment au niveau du commerce transfrontalier et la coopération entre ces deux pays, comme ils sont pratiqués en 1964. Le point avec Alexis Ndaiseng. Les habitants de la colline Kaburantwa en commune Buganda de la province Cibitoke apprécient positivement les travaux déjà réalisés pour la construction du pont reliant le Burundi et la République démocratique du Congo. Ce projet a commencé le 2 octobre 2023 pour terminer après 13 mois 15 jours. Ces citoyens espèrent qu'après la construction de ce pont, ils vont en tirer de profit. Au cas où on construirait les routes, ça pourrait y avoir du développement. Après la construction de ce pont, on pourra faire le commerce, on tirera des bénéfices et la coopération sera aussi développée. Ces habitants s'inquiètent pour cause du retard des indemnisations. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est qu'on nous régularise en rapport avec les indemnisations. Donc, ils nous ont montré les indemnisations et nous avons signé. Mais jusqu'à maintenant, nous attendons nos indemnisations alors que les responsables nous promettaient que cette question allait être vidé avant la fête de Noël, ce qui n'a pas été fait. Nous sommes déjà dans le nouvel an sans être régularisés. Quant à l'administrateur de la commune Buganda, le projet aidera les habitants à s'autodévelopper et contribuera au développement du pays via les impôts et les taxes. L'administrateur communal tranquillise la population que le processus de leur octroyer des indemnisations est en cours. Les indemnisations sont en cours, je crois qu'elles sont en cours, puisque nous avons été sur terre avec les anges de la paire d'âges, mais aussi avec une commission du ministère en charge de la finance et qui doit visiter le terrain avant que les fonds soient décaissés. Donc, nous espérons que d'un moment à l'autre, les fonds seront disponibles sur les comptes de la population. Je demanderai à la population de toujours être patiente. Des informations recueillies auprès de la société chinoise en charge de la construction indiquent que les travaux de construction de ce pont ont connu des défis liés aux fortes précipitations et les difficultés d'approvisionnement du matériel à importer. C'est pour cela que les travaux peuvent s'achever du délai d'exécution prévues en avance. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons avec cette édition dotée des outils nécessaires à la cellule de renseignement financière, notamment le cadre légal révisé, pourra aider cette dernière à lutter contre le blanchiment de capitaux. Ceci a été dit ce lundi par le ministre des Finances qui était à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés par rapport au projet de loi portant à lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les députés ont demandé si ce projet de loi ne pourra pas déstabiliser la souveraineté nationale et le ministre des Finances tranquillise. Le point avec Évariste Nzikobanyang. Dans cette plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale, le député Bigerubu Sasselemi a voulu savoir comment est-ce que ce projet de loi, une fois mis en application, pourra aider ceux qui pratiquent la crypto-monnaie, une fois leur argent est détourné. À cette question, le ministre des Finances, Nestor Nangouye, a indiqué aux députés que les victimes de cette escroquerie pourront saisir les instances habilitées et que même la Banque de la République du Burundi a des prérogatives pour poursuivre en justice les détourneurs des fonds de la population. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui présidait la séance de ce lundi a demandé si le nouveau projet de loi qui vient remplacer celui existant portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne va pas déstabiliser la souveraineté nationale. Au ministre Nestor Nahunguye de tranquilliser expliquant que ce projet de loi ne concerne pas le Burundi uniquement, mais qu'il incombe le monde entier. Ce projet de loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ayant été adopté à l'unanimité par la Chambre basse du Parlement. Évariste Nzikobanyanga, parlons justice à présent. Le tribunal de grande instance de Kirundo a infligé ce lundi 5 ans de prison à 4 hommes de la colline Gatete de la commune Busoni en province Kirundo pour avoir volé des minerais dans la forêt de Murehe. Les 4 hommes ont plaidé non coupables et ont demandé d'être acquittés, disant qu'ils étaient sur cette montagne pour chercher d'éventuels sites de mines afin d'informer la direction de la société. Soutrez-vous, 3 de ces personnes condamnées à la prison étaient des employés de cette société qui exerce actuellement des activités d'extraction minière à Murehe, le point avec Agnès Naomagadze. Les 4 hommes dans la colline Gatete ont été accusés de 2 infractions, le vol qualifié et l'exploitation minière non autorisée. Tous les 4 ont nié les accusations portées contre eux et ont déclaré qu'ils s'étaient rendus sur la montagne de Murehe pour examiner d'éventuelles mines qui y seraient afin d'informer la société Sotrevo. Ils ont nié s'être rendus sur place sans autorisation et ont informé que lors d'une réunion tenue dans cette colline, on leur avait dit que quiconque détenait des informations sur les sites de mines contenant des minerais sur cette localité devait les signaler à la société Sotrevo, qui est déjà responsable des activités d'extraction minière sur ce site de Murehe. Ces 4 accusés ont expliqué que les 14 kilos et demi de minerais qu'ils avaient saisis étaient de la terre ordinaire provenant du sommet de la mine où ils avaient été arrêtés. Après la délibération, le tribunal de grande instance de Kirundo a condamné les 4 hommes de la colline Gatete à 5 ans de prison en vertu de l'article 113 du Code pénal 2. Ces 4 hommes demandent d'être acquittés. Ils ont été arrêtés le 30 janvier cette année à 9h du matin sur l'un des sites de Murehe. Signalons que 3 d'entre eux étaient des employés de la société Sotrevo. Depuis Kirundo, Agnès Naomagadze pour la radio Isanganiro. Rendons-nous cette fois-ci en province Makamba pour parler sécurité encore d'une femme âgée de 68 ans habitant la colline Nyabigina de la commune et province Makamba a été retrouvée le matin de ce lundi sur cette même colline. Les informations en provenance de sa famille disent qu'elle avait passé le soir avec son mari dans un débit de boisson de cette colline après s'être rafraîchis, sont rentrés ensemble. Mais pourtant, le défunt n'est pas arrivé à la maison. Selon les mêmes informations, le mari s'est retrouvé le matin. Il a dit qu'il n'était pas, dont sa femme n'était pas arrivée à la maison. Suite à l'ivresse, il a alerté le voisinage. Les personnes ayant vu le corps en premier lieu indiquaient qu'elle aurait été égorgée car elle affichait des blessures sur le cou. Et sur le cou, celle-ci ajoute que les personnes qui l'auraient tuée chercheraient de l'argent selon que la famille avait récemment vendu leur propriété. Au sein de la police à Makamba, l'on confirme ces informations, mais que personne n'est encore arrêté pour enquête. Je vous l'annonçais en titre, des Burundais n'adhèrent pas à la mutualité de santé en taux satisfaisant, ce qui fait que des soins médicaux leur coûtent cher. À propos de Deo Claude Nshimilimana, président du conseil d'administration de la Confédération nationale des mutuelles communautaires de santé au Burundi, CONAMUS, lors de la 3e conférence internationale mutualiste de l'Association internationale de la mutualité ce lundi. Patrick Atohum, président de l'association œuvrant pour le bien-être des indigents. Emmaüs International explique que les groupements de la population, selon les niveaux de capacité, est la meilleure stratégie de sensibiliser à l'adhésion au programme de la mutualité de santé. Le point avec Omer Douayo. Lors de cette troisième conférence internationale, premièrement tenue au Burundi, tous les intervenants reviennent sur l'idée de s'appuyer sur les mutuelles comme acteurs clés de l'économie sociale et solidaire. Selon Patrick Atoun, président de l'association Emmaüs International, cette conférence est une occasion pour les Africains, parmi lesquels beaucoup sont pauvres. Je pense que c'est une opportunité pour nous, surtout les pays d'Afrique, qui avons une population importante et que vous savez que les systèmes de santé ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Donc par le système de la mutualité, c'est-à-dire des populations vulnérables, des populations pauvres, qui essaient de s'organiser pour avoir le droit à l'accès à la santé, c'est quelque chose de primordial. Et nous avons vu tout à l'heure, à travers toutes les interventions, que c'est une démarche à encourager pour permettre à ces populations pauvres qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à la santé, de pouvoir avoir des prestations qui puissent leur permettre de mieux vivre. Donc, chaque pays que nous sommes, en Afrique surtout, nous devons nous organiser pour que ces populations, à la base, puissent avoir accès à cette santé qui est le source de leur vie. Interrogé sur les grands désadhérents des institutions de mutualité selon lesquelles ils sont mal servis, Deo Claude Nshimirimana, président du conseil d'administration à la Confédération nationale des mutuelles communautaires de santé au Burundi, CONAMUS, répond que tout n'est pas blanc, mais que des solutions sont vite trouvées, une fois que ces grognes sont reçues. Au niveau des grognes, c'est normal que tout système ne peut pas être parfait à 100%. Les grognes que nous entendons souvent viennent des prestataires, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux ou des centres de santé. Quand nous entendons que nos membres sont mal accueillis, nos agents se dirigent à ce niveau de prestation, soit à ce centre de santé ou à cet hôpital. La plainte que nous avons entendue, nous échangeons avec les responsables, soit de l'hôpital ou du centre de santé. Ainsi, la solution est trouvée. Patrick Atoun, président de l'Emmaüs International, appelle les parties habilitées à encourager les bénéficiaires à partir des sensibilisations afin de les inciter à l'adhésion. Les encourager, c'est commencer, les organiser dans leur secteur, même si c'est le secteur informel. Ce que nous appelons à Emmaüs des sans-voix, c'est de pouvoir travailler avec ces personnes-là, dans le travail qu'ils font, pour que ces personnes-là acceptent de travailler ensemble, de faire de petites cotisations. Et il y a toujours des structures, soit au niveau de l'État, des ONG, qui accompagnent, qui essaient quand même d'encourager ce processus de solidarité, de partage. Ah, c'est possible. Lors de l'ouverture officielle de ces assises, Imel de Sabouchimike, ministre ayant la solidarité dans ses attributions, promet que le gouvernement va tout faire pour soutenir le programme de la mutualité au Burundi. Omer Ndouayo, merci pour toutes ces précisions. Parlons agriculture à présent. En commune, rendons-nous en province Kayanza, c'est en commune Butaganzwa de cette province de Kayanza, où seules 16 tonnes et demie des grains de maïs sur 312 qui étaient dans le hangar au début de la campagne ont été vendus en commune Butaganzwa par l'ANAGESA. Jean-Vier Kanyan, administrateur communal de Butaganzwa, s'inquiète pour les hangars de stockage de la production du maïs qui sera bientôt récolté pour cette saison culturelle à Le Point avec Patrick Nsengiyumva. Selon les données recueillies auprès de l'Agence nationale de gestion des stocks et de sécurité alimentaire en commune Butaganzwa, au début de la campagne de la vente des grains de maïs en cette commune, dans des hangars de stockage, on avait une quantité de grains de maïs égale à 312 tonnes 665 kg. Selon les mêmes données, aujourd'hui 16 tonnes 616 kg seulement parmi ces 312 tonnes ont été déjà vendues. Kanyana Jamzeri, administrateur communal Butaganzwa, indique que la population n'achète pas beaucoup ces grains de maïs, du fait qu'ils ont dans leur ménage de la récolte du maïs qu'ils ont semé pendant l'été dans les marais. Même propos avec Dei Sibaba Okubgayo, administrateur communal Erango, qui fait savoir qu'environ 4 hangars de stockage qui se trouvent en commune Erango sont pleins de grains de maïs et s'inquiète du manque des hangars de stockage pour le stockage du maïs qui sera bientôt récolté pour cette saison culturelle en cours. Ces autorités communales demandent que pour les prochaines campagnes, la Nagesa puisse écouler sur le marché la production du maïs à temps car la population se retrouve dans le besoin de la nourriture. Signalons qu'à la fin du mois passé, le prix d'un kilogramme de grains de maïs a été revu à la baisse jusqu'à 2000 francs, mais que la population n'achète pas beaucoup ces produits. Depuis Kayanza, Patrick Nsengim va pour la radio Isanganilo. Et en Provence, à Bururi, les agriculteurs de cette province ont besoin d'environ 2000 tonnes de fertilisants, dont Imbura et environ 300 tonnes de lâches agricoles pour cette saison culturelle B, selon les données en provenance du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage. Ces agriculteurs demandent que l'autorisation de paiement des soldes pour les fertilisants commandés soit accordée à temps et aux chargés de livraison de le faire également à temps afin d'éviter les retards observés la dernière saison culturelle A, une information que nous devons à notre correspondant Zénon Nzambimana. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Kouimana qui a assuré la mise en onde de très bonnes suites de nos programmes.